J'ai perdu des gens, c'est la vie. Quand j'étais enfant, je voulais faire comme les grands qui étaient riches, donc de temps en temps je dépense mon argent, toute la nuit. Rien n'est plus important que les liens du sang, la famille. Je vis plus comme avant, je veux pas faire semblant. À l'hypocrite, tu pars de prendre les gants. Je parle d'appeler mon gang sur le ring. Tous les jours je mens, tous les jours je m'éloigne du paradis. Je me fais peur à moi-même, je suis comme si j'allais jamais mourir. Maman me regarde, maman se dit qu'elle a réussi. La miche, toi me regarde comme celui qui va changer sa vie. J'ai déjà donné mon cœur, j'ai déjà donné ma carte de crédit. Ma montre peut donner l'heure, ma montre peut nourrir toute ma famille. No, j'arrive plus à faire confiance aux autres. Ma confiance elle est devenue pauvre. Tu n'es plus des nôtres, tu n'es plus des nôtres. J'ai dit tu n'es plus des nôtres. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Ma vie serait plus simple si j'étais né avec les yeux bleus. Mon cœur serait plus sain si on me l'avait pas coupé en deux. Et comme les femmes enceintes, je sais pas vraiment ce que je veux. Y'a depuis que j'ai ma fille que tu peux lire la peur dans mes yeux. Fais pendant que tu peux, dans 10 minutes tu seras déjà trop vieux. 10 minutes c'est beaucoup, demande à l'Olympia, y'avait la queue. Femme de caractère avec ce qu'il faut derrière, c'est bien mieux. J'ai connu la misère, c'est pour ça que je mange quand je peux. Le succès se mérite, mais le succès se part un petit peu. Jamais vu un retour de flamme, c'est un même quand il pleut. Juste pour clarifier, mon équipe à moi, c'est pas eux. On va chercher ce qu'on veut, mais jamais sans la permission de Dieu. No, j'arrive plus à faire confiance aux autres. Ma confiance elle est devenue pauvre. Tu n'es plus des nôtres, tu n'es plus des nôtres. J'ai dit tu n'es plus des nôtres. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux, une fois mais pas deux.